au port de Cherbourg. Les marins sont pas de douce, sur les chaluts je débourre. Le poisson à descousse, belle mouette et cormoran. S'inquiète pas du mauvais temps, moi ça me laisse indifférent, mais je n'en ferai pas autant. Et elle me dit, je ne veux pas aller à Cherbourg. Ce cap est loin dans la Manche, je n'y ferai pas de détour, même si tu me prends par les hanches. Si tu désires m'attendre, l'arsenal là-bas c'est grand. Ne cherche pas à comprendre, le nucléaire est présent. Une envie subite te prend d'aller à contre-courant. La cité de la mer attend les visiteurs indulgents. Et elle me dit, je ne veux pas aller à Cherbourg. Ce cap est loin dans la Manche, je n'y ferai pas de détour, même si tu me prends par les hanches. Je sais, je suis un peu lourd de dénigrer tous ces mousses, mais comparé à mon bourg, la vie doit être très douce. Et elle me dit, je ne veux pas aller à Cherbourg, ce cap est loin dans la Manche, je n'y ferai pas de détour, trop de marins m'y attendent. Elle ne veut pas aller à Cherbourg, sur la péninsule normande, elle n'y fera pas de détour, sauf si un juge lui amende. Je l'ai emmenée à Cherbourg, pour elle c'était sans retour. Dans le beau port de Cherbourg, les marins sont pas d'eau douce. Sur les chalets je débourre, le poisson à descousse. Belle mouette et cormoran, s'inquiète pas du mauvais temps. Moi ça me laisse indifférent, mais je n'en ferai pas autant.